Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Eh bien, ça ne peut qu'aller, j'imagine, puisque vous savez que vous allez ce soir aller avoir 2 heures de métal qui vont vous décrasser les oreilles. Donc aussi, vous savez que, comme d'habitude, c'est, on est quoi, 8 jours avant Noël. Donc ce soir, j'aurai plein de cadeaux, parce que vous savez, comme tous les ans, le Père Noël, je le connais personnellement. Et ouais, c'est un pote à moi. Donc il vient tous les ans, quelques jours avant Noël. On discute un peu, on boit quelques canons. Enfin bref, oui, le topo. Et il me laisse toujours, en général, un gros sac avec plein de cadeaux pour vous, les auditeurs. Donc ouais, c'est ce qu'il vous reste à faire ce soir. C'est-à-dire, si vous voulez avoir des petits cadeaux de la part du Père Noël, il faudra appeler au 02 38 43 48 00, c'est le numéro que vous connaissez bien évidemment. Et puis ce soir, ce sera également la dernière de l'année, parce qu'effectivement on ne va pas faire d'émission le 24 ni le 31 décembre. Donc on se retrouvera l'année prochaine, donc ce sera une émission XL, on va largement déborder des 2 heures habituelles. Et puis sinon, comme d'habitude, des nouveautés et puis des petites choses assez sympas comme toujours. Et bien, en attendant, j'espère que vous allez faire exploser le standard. Enfin, toujours est-il, en attendant, pour vous échauffer, ça vous dit de commencer tout de suite de faire un petit tour en Tunisie. On va retrouver Mirat et son Live in Carthage, enregistré donc en 2018, premier CD DVD du groupe tunisien maintenant, avec le morceau Wide Shut. Wide Shut. Go. We'll be right back. Il a dit que vous êtes beau, mais justement, par contre, peut-être que vous êtes beau, mais vous, pour l'instant, vous n'avez pas encore appelé au 02 38 43 48 00 pour rafler des petits cadeaux de Noël. Enfin, en attendant, c'était beau pour les oreilles. Miras avec deux petits extraits du live in Carthage. Tout d'abord, à l'instant, Merciless Times et juste avant, Wide Shut. Continuons avec une des nouveautés de la semaine, la première, avec les Parisiens de Hell Override et leur deuxième album qui est sorti là récemment, qui s'appelle Nine of Cups. Alors, Hell Override, c'est un groupe qui existe déjà depuis 2010 et qui sort son deuxième album, 3 si on compte leur premier EP, et qui a déjà quand même pas mal fait de concerts. Par exemple, ils avaient joué en première partie de Blackstone Cherry en 2012, où j'ai eu l'occasion de les voir à la maroquinerie à ce moment-là. Et musicalement, on peut dire que c'est ce qu'on appelle du metal moderne. C'est à mi-chemin entre Guns N' Roses, Nickelback, un peu côté de Stone Sour. Très très beau, avec une très très bonne production. Et bah, ce groupe n'a qu'un défaut, je pense qu'il serait américain. Déjà, on commencerait à en parler sérieusement. Mais vous savez ce que c'est, on est en France. Et en France, le rock'n'roll, bah, voilà ce qu'il en est. Donc, petit extrait de cet album que je vous invite à découvrir maintenant, Stand Up. The right time is when you stop complaining. A better way to fix any problem remains the will to find the actual solution. Sight is into you, the struggle never ends. Not even find a clue, it's all within your hands. You gotta give it up, this time you got a chance. You gotta make it, this is the struggle never ends. is the strength of my spirit, this light inside of me. Show me the way to exit the darkness. This light is into you, strength in your inner strength. No need to find a clue, it's all within your hands. Just keep your shit together, you got one chance. You gotta make it, this shit of struggle never ends. Moving on for me. Just knock it down here, to push you away. I'm making tomorrow a better day. Never ends, no need to find a clue, it's all within your hands. It's all within your hands! It's not- Les Australiens de Meshiach et leur deuxième album Mask of All Misery. Et ça, c'est une bien belle découverte. Enfin, on avait beaucoup aimé, je me souviens, Alice of Thieves, sorti en 2016. Et là, c'était donc le morceau Face of Stone. Juste avant, groupe qui nous vient de la région parisienne et première nouveauté de la soirée, c'était le deuxième album de Hell of a Ride qui s'appelle Nine of Cups. Et on a eu droit au morceau Stand Up. Et un grand bravo aussi et un merci à l'ami José, fidèle auditeur, qui a été donc le premier à rafler un cadeau du Père Noël. Donc si vous aussi vous avez envie de faire comme lui, d'avoir un petit Noël supplémentaire, et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. 02 38 43 48 00 jusqu'à 21h, voire même au-delà ce soir, sans problème. Eh ben tiens, on va se faire un petit, puisqu'on parle de Père Noël, etc., faisons un tour avec les Finlandais à Buenos Aires. On va se faire un petit extrait du double live Decades Live in Buenos Aires, sorti, je crois, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, où Nightwish en profite pour revisiter des vieux morceaux quelque peu oubliés, comme par exemple ce Gets a Name qui était sur Oceanborn à l'époque. Donc je vous rappelle, 02 38 43 48 00, je compte sur vous. Ilan et juste avant Get the Mind, tous deux extraits donc du Decays Live in Buenos Aires de Nightwish, qu'on peut trouver également en Blu-ray et non pas en DVD. Ça, je trouve, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, cette pratique commerciale de Nuclear Blast assez incompréhensible. Enfin bon, voilà, en attendant, on a le son sur Radio Arc-en-Ciel. Changeons un petit peu de style avec du post-rock metal de Paris avec le groupe Faraway, son premier album Viare que je vous ai présenté la semaine dernière. Et on va s'envoyer tout de suite au Younis Lullaby. Et puis je vous rappelle 02 38 43 48 00 pour des petits cadeaux de Noël. Well, the world's where Nous désirons que l'amour dure et nous savons qu'il ne dure pas. Si même par miracle il devait durer toute une vie, il serait encore inachevé. Peut-être, dans cet insatiable besoin de durer, comprendrions-nous mieux la souffrance terrestre si nous la savions éternelle. Il semble que les grandes âmes, parfois, soient moins épouvantées par la douleur que par le fait qu'elles ne durent pas. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Et nos pires tortures cesseront un jour, un matin, après tant de désespoir, une irrépressible envie de vivre nous annoncera que tout est fini et que la souffrance n'a pas plus de sens que le bonheur. Tout en atmosphère, c'était donc la hypnose avec A Distance Dark Source Part 1, extrait de l'album A Distance Dark Source Part 2. Et avant, c'était donc le groupe de post-metal Far Away et son morceau Uyunis Lullaby, extrait de son premier album Viare. Eh bien, encore un autre gagnant, c'est aussi un fidèle auditeur, hein, c'est l'ami Christophe qui a appelé, donc qui aura un cadeau supplémentaire pour Noël. Voilà, donc voilà. Et si vous, donc, vous avez envie d'être comme lui et José, vous savez ce qu'il reste à faire, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure, 02 38 43 48 00. Eh bien, encore une nouveauté. Maintenant, on va faire un petit tour du côté de Nouméa. Je crois bien que c'est la première fois que j'ai un groupe qui nous vient de par là, de la Polynésie française. Un groupe qui s'appelle Red Sphere, qui vient de nous sortir donc son deuxième album, qui s'appelle Immortal Voids. Et d'ailleurs, si vous avez acheté Rock Hard ce mois-ci, il fait partie des groupes à découvrir. Alors, si vous aimez le death metal dans sa plus pure tradition, vous n'allez pas être déçu du voyage. Ça, croyez-moi. Donc l'album s'appelle Immortal Voids, et ben pourquoi faire compliqué, Immortal Voids tout de suite maintenant. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. Là, on s'en est grillé quelques-uns avec les Fous Furieux de Tom Cruise et leur album Opposite Terror et le morceau Zero Breed. Et dans le genre, même genre aussi, Destructeur de tympan. Juste avant, c'était donc le groupe qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, Red Sphere, et son album Immortal Voids. Et c'était le morceau éponyme et c'était également une des nouveautés de la semaine. Eh ben, pour calmer le jeu, bah tiens, on va faire un petit tour dans le désert américain où on va manger un petit peu de poussière et de sable avec le live de Molly Hatchett, Battleground. Molly Hatchett qui est toujours là malgré les coups du sort, un peu comme Lynyrd Skynyrd. Et Molly Hatchett qui vient donc nous sortir un live pour nous présenter leur nouveau chanteur. Et dessus, bah, figurent des tonnes de classiques comme par exemple ce Beating the Odds qu'on va s'envoyer tout de suite maintenant. If I had a name, she told me she was interested. Classique à l'instant, Joking City et Beating the Odds. Pour faire plus classique que ça, c'est pas possible. Donc deux extraits du live de Molly Hatchett, la légende de rock sudiste américaine. Ce live s'appelle Battleground et il est sorti fin novembre. Passons maintenant à du rock progressif made in France avec, bah tiens, on va revenir à l'album de Frank Carducci, The Answer. Et on va se faire un petit extrait donc de cet album qui s'appelle Beautiful Night. Et puis tiens, j'aimerais bien que vous appeliez un petit peu au téléphone parce que je m'ennuie un petit peu quand même. Même si j'ai de la bonne musique pour me tenir compagnie, bon bah j'aimerais bien que... Puis tiens aussi, tant qu'à faire, ce serait bien que ce soit une femme qui appelle parce que bon bah on nous dit souvent que le métal c'est une musique machiste, etc. Or je sais que bah il y a beaucoup d'auditrices qui écoutent également. Donc je vous rappelle une fois de plus le numéro 02 38 43 48 00. Donc extrait donc de The Answer, Beautiful Night, Frank Carducci. Staring at your window, you gaze at the stars, raising the light in your eyes. You're pointing your fingers between Vega and Mars. They're dancing around in circles in this beautiful. Thank you.

Tout en subtilité, en finesse, bah moi ça me fait penser à du Pendragon. Quand même, et vous savez que j'adore ce groupe. C'était Frank Carducci avec Beautiful Night, un extrait de l'album The Answer. Et ouais, on a déjà passé la première heure d'Electric Shock, qui je vous rappelle est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. On va se faire quelque chose de plus métal maintenant avec la troisième nouveauté de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour entre Lyon et Grenoble où on va découvrir le groupe Last Addiction, donc groupe qui s'est formé en 2013. Donc musicalement, c'est très large, hein, ça peut plaire aussi bien aux fans de Bullet for My Valentine, d'Of Mice and Men, de Trivium, enfin c'est du métal au sens large. Et tiens d'ailleurs, comme tout à l'heure pour Red Sphere, eh ben, Last Addiction aussi figure dans les groupe underground à découvrir dans Rockhard ce mois-ci. Vous pourrez pas dire que dans Electric Shock on est quand même pas au fait de trucs, hein. Il y a quand même beaucoup de choses que je vous fais découvrir déjà même avant qu'on retrouve dans ce grand magazine. Donc extrait de son, ils viennent sortir donc ce groupe son premier EP là actuellement fin novembre qui s'appelle Last Addiction, hein, tout simplement. Et bon, on va s'envoyer un petit morceau qui s'appelle Demons on Your Shoulder et tout d'abord une petite intro qui s'appelle Prière Profane, tout un programme. Demons on Your Shoulder, plus la petite intro, prière profane, extrait donc du EP de Last Addiction, donc groupe qui nous vient entre Lyon et Grenoble, vraiment une belle découverte, c'est clair. Eh bien, qu'est-ce que vous diriez maintenant de métal, de pur métal? Eh bien, pour ça, on va revenir au live d'Halloween, United Alive in Madrid, qui est sorti fin octobre, début novembre, dont on vous a passé déjà pas mal d'extrêmes, mais ce live est vraiment magique puisqu'il regroupe non seulement le line-up actuel, mais plus Kai Hansen qui est retour en troisième guitariste et Michael Kiske qui fait son retour. Donc, comme vous avez pu le constater sur ces différents morceaux, les deux duettistes se partagent le chant avec un bonheur vraiment, vraiment parfait, on peut dire vraiment c'est le meilleur des deux mondes. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes fan d'Halloween, bah Halloween, sachez qu'ils vont sortir un album d'ici la fin de l'année et ils vont revenir d'ici le mois d'octobre en tournée française avec cette formation-là. En attendant, on va y revenir à ce live avec un morceau qui a une signification un petit peu particulière pour moi, parce que moi, j'ai découvert Halloween, et oui, c'est pour vous dire mon âge avancé, à l'époque du premier EP. Et principalement, par contre, j'étais un gros fan de Walls of Jericho quand il était sorti en 86 et j'avais pris une grande claque à l'époque en me disant que ce groupe-là allait casser la baraque. Et c'est clair que on peut dire que je m'étais pas trompé. Et un morceau que j'adore sur cet album et qui est régulièrement repris en concert, c'est How Many Tears. Et surtout là, parce que là vraiment, vous avez trois chanteurs qui se redonnent le tempo. Enfin bref, magnifique. C'est ce qu'on vous envoie tout de suite maintenant pour vous, pour Noël. Et puis je vous rappelle, donc, le téléphone pour l'instant, il chauffe pas beaucoup. Hein, donc 02 38 43 48 00. Je vous attends si vous avez envie d'avoir des petits cadeaux à Noël. Halloween maintenant. We'll be right back. Que dire après ça? Magnifique, un super leçon de métal, un classique, How Many Tears, extrait donc de United Alive in Madrid, Halloween, bien sûr. Continuons avec une nouveauté, la quatrième et dernière nouveauté de la soirée, quelque chose de beaucoup plus soft avec un groupe que j'adore, que beaucoup de métalleux adorent, bien que ce ne soit pas du métal, c'est Marillion, bien sûr. Marillion qui est revenu là avec une revisite de ses morceaux, de certains morceaux avec un orchestre. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'aller pouvoir aller les applaudir à Paris, c'était la semaine dernière, lundi dernier. J'ai pas pu avoir de place, malheureusement, et ce que ça, j'avais très envie d'aller voir ce que ça pouvait donner, vu le petit aperçu qu'on avait déjà eu au Zénith en 2017 où Marillion avait interprété quelques morceaux avec un mini orchestre, et là c'était tout le concert qui était comme ça devait être vraiment fabuleux, surtout que j'ai vu la setlist, c'était vraiment magnifique. Et justement, Marillion en a profité pour sortir un album avec quelques-uns de ces morceaux revisités. Disons non, parce qu'en fait, dans les arrangements, il n'y a pas grand-chose qui change. Marillion se contente de jouer ces morceaux qui sont déjà fortement émotionnels, les gens eux-mêmes. Mais rajouter qu'un orchestre en plus, ça rajoute vraiment une émotion encore supplémentaire qui paraît déjà difficile à obtenir davantage. Mais pourtant, ils y arrivent. Donc cet album s'appelle With Friends from the Orchestra, tout un problème. Et pour ce soir, j'ai trouvé que ce morceau allait bien avec l'ambiance de Noël. C'est un extrait de Marbles, Fantastic Place. It's always a struggle to let somebody go. It's a natural desire to own your lover, I know. But you can screw a man down until it takes to drinking. He'll give you all of his money, you still won't know what he's thinking. Take me to the fantastic place. Keep the rest of my life away. Take me to the fantastic place. Keep the rest of my life away. Take me to the island. I'll watch the rain over your shoulder. The street light. dire après ça? C'était donc Marillion avec un extrait de tout son album With Friends from the Orchestra, donc revisite de certains morceaux agrémentés d'un orchestre symphonique. C'était Fantastic Place. Et bien la suite, c'est pour eux aussi une Fantastic Place, c'est Slayer qui vont plutôt aller faire un tour du côté du South of Heaven. Donc on va se faire un petit extrait de dernier live du Live Testament, The Repentless Kilogy, qui normalement est censé être leur live d'adieu, mais enfin bon, c'est ce que c'est que dans le rock'n'roll, les adieux, on a toujours du mal un peu à y croire. Ça fera du bien, c'est un petit South of Heaven. Et puis je vous rappelle, 02 38 43 48 00 pour les petits cadeaux si vous avez envie de rafler un. Allez, je vous attends au standard. living joy, a laughing job to delight, a waiting rebreaker, death to be there, Christian, God is surely red, but to you by what you see, follow to me this God from the tears about the rose made of sky. Souls of my treasure past. The kids are men in the hole and the dead in the bar. Awake the hour of the rise of your God slips away. Ça, on s'en lasse pas. Raining Blood et South of Heaven. Deux extraits du fabuleux Double Eyes, Repentless Killer G, live at the Forum in Inglewood, California. Deux Slayer qui, normalement, viennent tirer sa révérence. Mais enfin, bon, peut-être que dans 4-5 ans, on les reverra. Wait and see. Enfin, en attendant, on se remémorera toujours ces fabuleux concerts et Slayer restera dans la mémoire de tous les métalleux. Ça, c'est certain, bien sûr. Eh bien, pour la suite, on va se mettre quelque chose de très différent et qui, je trouve, va très bien avec l'ambiance de Noël. Et pour ça, on va revenir au split album de Ancestral Legacy et de Veil of Mist, donc que je vous ai présenté déjà il y a ça quelques semaines et que j'ai mis un petit peu de côté, mais c'est pas pour ça que je l'ai négligé. Et sur cet album qui s'appelle The Silent Frontier figure une reprise repris par les Norvégiens de Ancestral Legacy de Mylène Farmer, et ouais, c'est un peu surprenant, qui s'appelle Diabolique Mon Ange. Alors me demandez pas sur quel album figure l'original, parce que moi je ne suis pas du tout un fan de Mylène Farmer, voilà. Enfin bon, bref, si quelqu'un le sait, qu'il ou elle appelle au 02 38 43 48 00. Et en même temps, il y a toujours donc des cadeaux à rafler jusqu'à 21h, voire même au-delà ce soir, bien sûr, puisque c'est Noël. Donc on découvre ce que c'est, ce que vaut cette petite reprise. Les Norvégiens d'Ancestral Legacy et leur album, leur co-album avec Veil of Mist, The Silent Frontier. Et c'était donc une reprise de Mian Farmer, Diabolique, mon ange. Bon, maintenant on va revenir à quelque chose de beaucoup plus hard rock et plus metal, avec un groupe incontournable, c'est évidemment Saxon, dont Saxon qui vient de sortir un triple live pour ses 40 ans de carrière, sorti cet été, dont on vous a passé moult extraits depuis la reprise de l'émission en septembre. Et bien pour terminer l'année, je me suis dit, oh, bah, quand même, on va remettre un petit coup quand même. Et sur ce live figure par exemple une version live tonitruante de Attila the Hun, qui figurait sur l'album The Inner Sanctum en 2007. Et ce morceau vraiment déchire tout sur son passage. Et je vous rappelle encore que moi, pour l'instant, je m'attendais à avoir des crampes dans le bras à force de décrocher, de raccrocher. Le standard, il chauffe pas tellement. Hein. Donc vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Donc je vous rappelle le numéro encore une fois, 02 38 43 48 00. Ne soyez pas timide. En attendant, Attila the Hun. We'll be right back. Wow, Attila the Hun de Saxon, extrait de The Eagle Has Landed 40 Live, donc live sorti donc pour leurs 40 ans de carrière, 40 morceaux live sur ce triple CD magnifique. Tiens d'ailleurs, si vous êtes fan de Saxon, petit rappel, vous savez que Biff Bifford sort enfin son premier album solo qui sortira donc le 20 février prochain et que bah, maintenant visiblement il a l'air bien remis de son opération cardiaque et que bah, d'ici la fin de l'année, normalement, il reprend les concerts, donc à suivre, voilà, pour tous les fans. Maintenant, tiens, on va se refaire aussi une légende du métal aussi qui est encore bien vivace. C'est Deep Purple, dont je vous ai présenté le nouveau live qui était sorti la semaine dernière, Live in Rome 2013. Un live complètement inédit, contrairement au Newcastle 2001 qui était sorti donc l'été dernier. Et qui figure donc des extraits de l'album Now What qui était tout chaud, tout bouillant. Et puis Deep Purple aussi, on profite souvent en concert pour faire un petit instrumental sympa qui est extrait de l'album Bananas qui s'appelle Contact Lost et qui était dédié donc aux astronautes de la navette Columbia. Si vous vous souvenez, à l'époque, la navette avait explosé en plein vol et ça avait fait surpris tout le monde parce que tout le monde avait pu voir ça en direct quasiment sur son écran et c'est assez choquant. Surtout que bah, Steve Morse l'avait inspiré pour ce petit instrumental très doux, très planant puisqu'il était ami avec certains des astronautes. Et d'ailleurs, dans les fracas de ça, on a retrouvé dans les débris des bouts de CD, parce qu'ils avaient, pour être dans l'espace, ils avaient emmené des albums de Deep Purple et de Rainbow, puisqu'on a retrouvé des bouts de Down to Earth et de Fireball, entre autres. Donc, petit moment de douceur avec ce petit instrumental, tout de suite, maintenant, Deep Purple, extrait du Live in Rome 2013. put my faith in the axle, not the wheel. Just like Zeno's tortoise veil, with Achilles snapping at my heels. Oh, don't worry, there's no hurry. Well, here we are with all the time in the world. I could have been a high-flying dealer, but I have no desire for speed. I could have been a wide receiver, babe, but I got everything I need. And so I watch the world go racing by, tearing up the street. I lay back in the lawn, my feet. Oh, don't worry, there's no hurry. Well, here we are with all the time in the The Time in the World, qui à l'époque était donc le single de Nawat, extrait donc du Live in Rome 2013, sorti la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant plus exactement, et juste avant c'était le petit instrumental Contact Lost, qui lui était extrait de l'album Bananas, sorti en 2003, et d'ailleurs Deep Purple, ben, ils sont toujours vivaces, la preuve, ils sont toujours en concert, puisque vous les pourrez les trouver au Hellfest, entre autres le 20 juin prochain, et également à la Scène Musicale à Paris le 30 juin également, et un peu partout en France au mois de juillet, à suivre. Et il est 21h06 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, je vous l'avais dit, c'est la dernière émission de l'année, donc Electric Shock est un peu XXL et va déborder encore un petit peu. D'ailleurs, je vous en profite pour vous dire que bah, si vous voulez appeler, vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Donc 02 38 43 40. 38 43 48 00. Eh bien tiens, on va revenir au live de Mania Road. Roadkill Tapes and Rarities, dans la série Faisons du neuf avec du vieux, ou tout simplement les anciens musiciens de Mark Shelton ont récupéré des vieilles bandes qui avaient servi donc pour l'album Live Roadkill il y a de ça un peu plus de 30 ans. Et là, ils ont remis dans l'ordre pour qu'on ait le concert vraiment complet. Et bon, on va se faire donc de petits extraits, bien sûr. Tout d'abord, Haunted Palace. We'll be right back. Mask of the Red Death et Haunted Palace, donc deux extraits du Roadkill Tapes and Rarities, donc réédition du live mythique de Mania Road, introuvable depuis bientôt plus de 20 ans, c'est clair. Et donc, contient donc un CD live plus des démos inédites, voilà pour tous les fans. Eh bien, il va être bientôt temps de se quitter, mais bon, vous savez ce que c'est, hein, quand c'est l'émission toujours avant Noël, on se termine par un chant de Noël, bien sûr, hein, tradition oblige. Et ben pour ça, on va revenir à l'album de Rob Halford, With Million Friends Celestial, où le chanteur de Judas Priest s'amuse à revisiter quelques classiques de Noël avec tout ça, avec ses amis. Alors, c'est très court, hein, le morceau qui va suivre, puisque ça fait moins de 3 minutes, donc si vous voulez encore rafler un petit cadeau, vous avez très très peu de temps. 02 38 43 48 00 et on va terminer en beauté avec Joy to the World qui sera donc le chant de Noël et le dernier morceau d'Electric Shock ce soir et de l'année 2019. Joy to the World, voilà, donc chant de Noël par Rob Halford, ce sera donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir, et également donc de l'année 2019, donc ben voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis ben normalement, si tout va bien, bien sûr, on se retrouve l'année prochaine, bien sûr, pour de nouvelles aventures métalliques, et ben d'ici là, profitez bien de Noël. Et je vous dis à l'année prochaine. Salut à tous et restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bien sûr, on se retrouve donc le 7 janvier. Salut à tous.